Alors les deux papiers qui viennent d'être présentés abordent tous les deux la question du lien entre mobilité sociale et religion dans des contextes socioculturels très différents. Pour être plus précis encore, il m'a semblé qu'ils abordent la question de la façon dont la religion peut constituer une ressource clé dans des trajectoires d'ascension sociale. Et comme il s'agit d'une ressource qui ne peut être acquise que par un travail de soi sur soi, cela implique soit des efforts d'acculturation ou d'éculturation de la part des personnes qui cherchent à se saisir de cette ressource et en tirer le profit maximum, soit d'avoir bénéficié d'une socialisation primaire permettant la maîtrise de cette ressource. Alors le premier papier, celui de Christelle Coton, s'interroge sur la façon dont la norme catholique dominante au sein des milieux officiers tend à avoir un impact sur les pratiques et les croyances des cadres issus du rang. Le second, s'intéresse à la façon dont le mouvement Gulen offre un faisceau de carrière possible à ses membres et permet des mobilités internes fortes, démarrant notamment au moment de l'adolescence. Alors, il me semble que les deux papiers se distinguent par une différence forte dans la démarche d'enquête. Le papier de Gabriel adopte, il me semble, mais tu me diras si je me trompe, une démarche plutôt inductive dans le sens où je crois comprendre que l'analyse présentée aujourd'hui est le produit d'une enquête plus large sur le mouvement et qui ne cherchait pas particulièrement à explorer sa dimension de la mobilité sociale lorsqu'elle a démarré. À l'inverse, la démarche de Christelle Coton est d'une certaine manière davantage hypothético-déductive, si j'en juge par le fait qu'elle part du constat de la place centrale de la religion dans le milieu des officiers, pour se demander si cela a un impact en termes de conversion et de recomposition des croyances des cadres suivants. Et ayant posé l'hypothèse, elle mène donc l'enquête, ou plutôt, en l'occurrence, revisite son matériau pour vérifier si elle s'avère pertinente. Alors, pour en revenir à cette question de la religion comme ressource, on a donc un cas dans le papier de Christelle Coton, le cas d'une structure publique supposément laïque, l'armée, dans laquelle la religion constitue une ressource clé pour réaliser des trajectoires ascendantes. Et dans le second cas, il s'agit d'une structure privée, mais ouvertement religieuse, et dans laquelle la réussite suppose donc de donner des gages forts, aussi bien de foi que d'adhésion à l'institution. Et il me semble donc en cela, dans le cadre de ce colloque, ces deux présentations offrent toutes les deux une contribution importante en ce qu'elles rendent possible de s'interroger sur les cadres sociaux qui garantissent l'attractivité d'une religion. Et il me semble en effet que ces deux papiers suggèrent bien que la religion, enfin aussi bien la religion que la foi, nécessitent l'appui de mécanismes de rétribution à la fois symboliques, sociales et matérielles. Alors pour comprendre comment fonctionne ce système de rétribution, il faut déjà établir le fait que dans un contexte social donné, la religion s'impose comme une norme dominante. Et pas, donc pas simplement une croyance associée à certaines valeurs, mais bien une norme au sens où elle est le reflet de ce que l'on attend de l'individu. En cela, la première partie du papier de Christelle Coton éclaire bien en quoi l'expression de la croyance catholique constitue une norme dominante dans les milieux officiers, même si les pratiques religieuses des officiers français sont clairement minoritaires à l'échelle de la société française. Nous est donc donné à voir une pratique religieuse qui est vécue le mode de la résistance. J'étais troublé par quelqu'un. Oui, on est tous troublés. On prend les photos. Donc le portrait qui est fait est essentiellement celui d'un entre-soi d'officier très fermé, qui vont s'appuyer sur des institutions comme, par exemple, le club des épouses d'officiers. Et on a donc un portrait d'officiers qui s'accordent sur les fondements de ce qu'on pourrait appeler un ordre moral, hein, au sens d'un ensemble de marquages de frontières symboliques morales sur lequel un certain groupe est d'accord, ou pour le dire autrement, hein, sur un consensus concernant les façons bonnes et respectables de se comporter. Donc on a un portrait d'officiers qui s'accordent sur un ordre moral qu'ils cherchent à maintenir à l'échelle de leur institution. Du coup, le papier nous suggère qu'il cherche, enfin, nous suggère que en fait, toute prise de distance avec cet ordre moral défendu par les officiers constitue en quelque sorte une prise de risque qui pourrait se solder par la mise au ban du cœur de l'élite militaire. Mais on a là, en tout cas, dans un équilibre qui est fragile parce que, et comme en témoignait d'ailleurs la conclusion du papier, la religion catholique est en déclin, évidemment, dans la société française. Et donc, on a un peu l'impression, en lisant le papier, que l'armée constitue une sorte de dernier refuge, institutionnel pour la religion catholique. Dans le cas du mouvement Gulen, je m'interrogeais aussi sur cette dimension minoritaire du mouvement qui, on le sait, comme ça a été rappelé dans la présentation, fait aujourd'hui l'objet d'une répression assez forte, enfin même extrêmement forte, par le gouvernement Erdogan. Et je me demandais donc si bénéficier des ressources du mouvement constitue de fait un engagement qui conduit à se priver d'autres ressources, hein, notamment celles que peuvent offrir l'appareil d'État. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette dimension? Et je serais notamment curieux de savoir comment tu caractériserais le mouvement Gulen à l'échelle de la société turque. Là, je parlais en ce qui concerne la religion catholique au sein de l'armée, d'une sorte de refuge. Là, est-ce que le mouvement Gulen serait plutôt une sorte de contre-culture à l'échelle de la société turque? Parce qu'on a une dimension, on n'est pas dans une nostalgie, dans la nostalgie de la gloire passée du catholicisme comme c'est le cas dans l'armée française, mais on a une dimension qui est davantage prosélyte, conquérante. Il semble qu'il y a un projet hégémonique au cœur du projet de Gulen. Et d'ailleurs, je me posais aussi parallèlement à ces questions-là la question quand était évoquée la question des trois types de voies professionnelles, avec notamment les voies d'ascension dans la fonction publique, notamment la justice, et dans le privé. Est-ce que il y a des réseaux souterrains, enfin plus ou moins souterrains, plus ou moins officiels, qui existent de soutien aux membres, de soutien des membres entre eux, dans l'apport d'affaires, dans la façon dont fonctionnent les carrières au sein de la fonction publique, etc. Maintenant, suite à la crise ou dans l'absolu? Dans l'absolu. D'accord. Ouais. Parce que ça me semble être intéressant pour penser justement cette appartenance religieuse comme ressource. Voilà. Alors à ce niveau de mes remarques, je peux vous faire part du fait que j'ai été un peu frustré, peut-être le mot est fort, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir plus d'éléments sur la façon dont, en tout cas, la notion de religion peut être définie. Il m'a semblé qu'il aurait été possible, aussi bien dans un papier que dans l'autre, d'aller un petit peu plus loin, et notamment la croisant avec celle de croyance et de participation institutionnelle à un mouvement religieux. Et qu'en tout cas, à défaut de cela, ça empêche de pousser plus loin la réflexion sur la façon dont la religion peut constituer une ressource dans des stratégies d'ascension sociale. Alors dans le papier sur les officiers français, je me suis en particulier demandé de quoi on parle quand il est question de religion, parce qu'à la lecture, j'ai surtout eu l'impression que le catholicisme désignait surtout une position conservatrice en termes de structure familiale classique, homophobie, etc., mais finalement assez peu une pratique religieuse en soi. Et donc j'ai eu l'impression que l'enjeu était avant tout celui d'un positionnement par rapport aux autres militaires, de l'envoi d'un signal social permettant d'encaisser un certain nombre de rémunérations plus ou moins symboliques. Mais par contre, j'ai eu l'impression que finalement la question de la foi était assez peu importante. Et bon, alors c'est dommage qu'Estelle n'est pas là, on va pas pouvoir lui poser la question, mais j'aurais aimé en savoir plus sur la dimension plus intime de la foi de ces officiers, sur l'éventuel penchant mystique de certains d'entre eux, sur la façon dont l'expression intime de la croyance trouve à s'exprimer en dehors de l'affichage de prise de position conservatrice. Et sur l'autre versant, celui plus matérialiste, j'aurais aussi aimé en savoir plus sur la façon dont s'opèrent les rétributions symboliques et les encouragements à persévérer dans la foi catholique. Et finalement, on a assez peu d'éléments empiriques qui nous sont donnés sur cette dimension. Et la conclusion du papier est presque timide, allant presque jusqu'à invalider l'hypothèse de départ. Alors à l'inverse, il m'a semblé que cette dimension de la foi était beaucoup plus importante, et elle est d'ailleurs dans le papier beaucoup plus présente pour le mouvement Gulen. Et alors pour le coup, j'aurais aimé en savoir plus sur la façon dont celle-ci est testée, entre guillemets, par les cadres du mouvement, qui visiblement cherchent à s'assurer de l'ancrage profond des croyances de leurs membres. Alors là, je trouvais qu'au niveau conceptuel, pour le coup, il y avait, vous êtes quand même allé beaucoup plus loin, tu es allé beaucoup plus loin dans l'exploration de cette question. La définition de Charles Suau de la vocation sur laquelle tu t'appuies me semblait très utile et très heuristique, en croisant comme ça subjectivité des individus, position sociale, nécessité de l'institution, etc. Et alors donc, au niveau de la subjectivité des individus, je me posais la question, est-ce que tous les membres que vous avez rencontrés sont-ils profondément convaincus? Est-ce que dans votre matériau, vous avez pu voir apparaître des formes d'opportunisme, d'instrumentalisation du mouvement à des moyens de réussite personnelle? Mm-hmm. Ou est-ce que à chaque fois, on a vraiment un contrôle parfait et serré des subjectivités? Et alors, donc, si je pose, je vais conclure là-dessus, la question de la foi, c'est que, à mon avis, en l'appréhendant, il est permis d'interroger la dimension, comme je le disais à l'instant, instrumentale et rationnelle des stratégies d'ascension sociale au sein de l'armée de terre ou du mouvement Gulen ou de tout autre mouvement religieux. Et en bref, l'enjeu, c'est aussi de savoir, dans les processus qui nous sont décrits, ce qui relève, par exemple, de logiques qui sont propres au fonctionnement de l'armée française, de ce qui relève de logiques qui sont propres à la religion catholique, si tant est qu'il soit possible d'opérer la distinction conceptuelle. Est-ce qu'on est face à des stratégies de distinction sociale et de maximisation des ressources qui sont typiques de celles qu'on pourrait observer dans tout un tas d'autres contextes sociaux bien éloigné du domaine du religieux, ou est-ce qu'on a affaire à des processus plus compliqués, moins évidents à appréhender parce que justement s'appuyant sur des croyances religieuses. Donc en bref, est-ce qu'on peut faire l'économie dans l'analyse de s'interroger sur les attendus spirituels en termes de voie de salut, de rapport à la divinité, aussi bien donc de la religion catholique, du mouvement Gulen que de tout autre mouvement, ou est-ce que tous ces aspects sont finalement plus secondaires dans l'analyse? Donc pour le reformuler encore une fois, la question est donc de savoir si dans les deux cas présentés, la religion constitue une ressource symbolique, morale et sociale comme une autre, ou si on a affaire à des mécanismes sociaux spécifiques requérant d'adapter les outils de l'analyse. Et répondre à cette question me semble nécessaire pour repenser la façon dont les sociologues peuvent articuler dans leurs analyses religion et classe sociale.